Eh bien, Franck, nous te donnons donc la parole pour que tu nous évoques un peu ces deux conflits en lien avec cette question de l'autogestion, de la construction médiatique des conflits. Est-ce que tu peux éventuellement déjà dire, au moins ponctuellement, sur des usages de films dans ces contextes-là? Je sais que on te demande un travail compliqué en un temps record, puisque l'histoire des conflits libres, c'est une histoire extrêmement complexe. Donc, merci beaucoup de te livrer à cet exercice de synthèse. Merci de m'avoir invité, mais j'espère que je ne vous ennuierai pas à la fois par quelque chose peut-être d'un peu touffu, et en même temps, pour ceux qui ont connu directement de l'intérieur le conflit, peut-être un peu schématique. Donc, j'étais intervenu dans un autre contexte avec Hélène en reprenant, pour commencer, à propos du conflit, l'introduction du film de Chris Marker, où la voix du réalisateur, sur fond biblique avec l'image de Charlton Heston en Moïse, expliquer la généalogie de l'entreprise et du conflit par la phrase suivante: au commencement, Dieu créa Emmanuel, qui engendra Ernest, qui engendra Fred, et là, tout se compliqua. Alors, Emmanuel, c'est Emmanuel Lippmann, 1867, la fondation du comptoir Lippmann, et qui a engendré une entreprise, une manufacture, comme il est très bien dit dans l'extrait, de montres, synonyme de montres de qualité, extrêmement populaire. Et je pense que la notoriété de la marque a joué un rôle aussi dans la popularité du conflit. Tout le monde connaissait Lipp. C'est une entreprise qui avait diversifié ses activités, mécanique de précision, machine-outils, et même des pièces destinées à l'armement. Au total, autour de 1300 personnes employées, un fort contingent d'employés, proprement dit, des OS, des ouvriers extrêmement qualifiés, une centaine de cadres, autant d'hommes à peu près que de femmes chez les ouvriers, un personnel attaché à son entreprise, attaché à son travail, fier de son savoir-faire, bien rémunéré avec des avantages certains pour la région, une région d'industrie horlogère, à Palante et Ornans pour une partie de la fabrication des machines-outils, un personnel largement d'origine franc-comtoise, souvent d'origine rurale, et marqué par le catholicisme de la région. Pour reprendre le titre de l'ouvrage de Maurice Clavel, « Les paroissiens de Palante », hein, ce sont pour une bonne part des ouvriers et des salariés d'origine catholique. Mais dans ce milieu catholique, à l'origine plutôt conservateur, il y a une pépinière de militants marqués à gauche, passés par les mouvements, l'expérience des mouvements chrétiens, mouvements de jeunesse, mouvements d'action catholique, syndicalisme chrétien devenu CFDT en 1964, et un certain nombre des leaders ou animateurs, selon le nom qu'on leur donne, Charles Piaget, Roland Vitaud, Raymond Burgi, sont passés par ces mouvements et sont des militants d'origine chrétienne, pour reprendre la terminologie. Le principal fondateur du comité d'action dont on va parler, hein, Jean Ragnès, est lui aussi, certainement de manière plus directe, un militant et chrétien, puisqu'il est prêtre dominicain et prêtre ouvrier, d'une certaine manière, embauché comme OS à Lipp, après être passé par la Sorbonne en 1968. Un certain nombre d'entre eux sont également militants au Parti Socialiste Unifié, le PSU, de l'époque. Sur le plan syndical, entre 40 et 50 % du personnel est syndiqué, ce qui est beaucoup par rapport au taux de syndicalisation de l'époque en France, à part égale CGT, CFDT, même si très souvent, pour des raisons dont on va reparler, c'est la CFDT qui est mise en avant. C'est sur ce terrain qu'éclate l'affaire Lipp au printemps 1973. Alors c'est une période sur le plan national qui est extrêmement vivante, vivace, période d'effervescence des luttes, si on prend dans la suite de mai 68, hein, l'ombre portée de mai, cette conflictualité sociale est encore portée à un très haut niveau et aussi elle s'articule, ou en tout cas se mêle à une forme de contestation culturelle et de radicalité. 1973, c'est à la fois mouvement des femmes, mouvement des lycéens contre la loi Debré, la mobilisation paysanne du Larzac et l'apogée de ce que des historiens Xavier Vignat de cette période appellent l'insubordination ouvrière. Alors, pourquoi l'IP ? Depuis plusieurs années, l'entreprise connaît de sérieuses difficultés sur lesquelles on n'a pas le temps de revenir, sauf en cas de question. La gestion hasardeuse du fondateur, Fred Lippe, les problèmes du marché horloger, les appétits d'une multinationale suisse et Bosch SA qui entend mettre la main sur la marque, sa notoriété, une partie du savoir-faire, mais transformer cette manufacture en simplement une usine de montage de pièces venues et fabriquées ailleurs, ce qui supposerait un démantèlement, un largage d'un certain nombre d'activités, le maintien de l'horlogerie, mais avec une partie du personnel licencié ou en tout cas évacué de l'entreprise. Cette société multinationale, Ebosch SA, progressivement et assez rapidement, s'empare du pouvoir dans l'usine, écarte Fred Lippe en 1971, permet la nomination d'un nouveau PDG qui lui-même, le 17 avril 1973, est à son tour poussé à la démission. Et c'est à ce moment-là que deux administrateurs provisoires sont nommés, c'est-à-dire que l'entreprise semble menacée de fermeture. Et c'est pour les LIP le point de départ du conflit, avec une mobilisation du personnel, passant par une baisse collective des cadences qui leur permet ensuite de discuter, mais sans prendre la forme d'une grève générale qui risquerait de se retourner contre eux. Et avec l'idée qu'ils sont engagés dans un combat long et difficile. Deux dates clés font basculer le conflit dans tout autre chose. Le 12 juin, décidé à connaître coûte que coûte la vérité, les salariés de l'IP, à l'occasion d'un comité d'entreprise, veulent savoir quel sort leur est réellement réservé. La sacoche de l'adjoint d'un des deux administrateurs provisoires est subtilisée. La salle du comité les bureaux où se tiennent le comité d'entreprise sont envahis. Et là, on découvre dans les papiers des expressions extrêmement brutales. Hein, larguer les secteurs inutiles, 480 salariés à dégager, qui provoquent la colère des travailleurs, la séquestration des administrateurs, l'occupation immédiate de l'usine, la grève totale et surtout la mise à l'abri d'un stock de montres, c'est-à-dire ce qu'on a appelé à ce moment-là le vol des montres. Hein. Non seulement on les met à l'abri comme trésor de guerre, mais en plus on les fait disparaître du lieu. Au-delà des manifestations monstres pour Besançon, qui sont organisées, les salariés se trouvent à la veille des vacances d'été dans une situation extrêmement difficile. Que faire pour maintenir la mobilisation et éviter que Ebosch SA et les administrateurs ne parviennent à leur fin? Leur objectif, c'est de trouver un repreneur pour l'IP, de manière à mettre en place une solution industrielle qui serait, pour reprendre le titre du premier film de Dominique Dubost, sans licenciement et sans démantèlement, qui reste le mot d'ordre du conflit. L'initiative, certainement symboliquement la plus importante, est prise le 18 juin, à la fois salué par Jean Ragnès, dont vous parlez tout à l'heure, et Maurice Clavel pour son côté symbolique. Le 18 juin 1973, l'idée est lancée et acceptée en Assemblée générale de relancer une chaîne de production, de montage de montres, de finir les pièces, de vendre les montres L'objectif est double. Il s'agit d'assurer un salaire de survie pour les travailleurs dont les salaires vont être coupés et les collectes seraient insuffisantes pour tenir durablement, mais aussi populariser, pour reprendre la thématique, la terminologie de l'époque, attirer l'attention, obtenir le soutien de l'opinion dans le rapport de force entre les salariés de l'IP d'un côté, le patronat et le gouvernement de l'autre, poussé à la possibilité de reprise. Alors, c'est à ce moment-là que la grande banderole est placée sur le fronton de l'entreprise. C'est possible, on fabrique, on vend, signé les travailleurs. Un peu plus tard, au moment de la première paye ouvrière, ça sera on fabrique, on vend, on se paye. Le développement à l'intérieur de ces commissions dont le texte, dans le film a évoqué, production, gestion des stocks, vente, accueil des visiteurs et peut-être la plus importante, popularisation. Et le résultat dépasse très largement les espérances, aussi bien en termes de vente, de succès de la vente de montres sur place et surtout par commande, qu'en termes de médiatisation. Le mouvement est à ce moment-là extrêmement populaire et converge vers l'IP des milliers de personnes, passants, curieux, militants, travailleurs d'autres entreprises, journalistes, intellectuels, artistes, venus de France, de l'étranger, caméras de télévision, etc. De leur côté, les LIP, eux, sillonnent la France entière de façon à faire connaître leur mouvement. Donc, deux doubles mouvements à cette époque qui se renforcent l'un l'autre. D'un côté, l'intérêt spontané de l'extérieur pour un conflit hors norme, et de l'autre, la volonté des LIP de prendre eux-mêmes en main leur popularisation. La convergence de ces deux mouvements éclaire, sans vraiment l'expliquer, la profusion de textes, d'images, de sons qui contribuent à forger ce mythe LIP. Alors, parmi ce qu'on a pu appeler les outils de popularisation, citons le journal LIP Unité, qui a pu être lancé grâce à l'intervention des cahiers de mai, mais je pense qu'on va en reparler, représentatif d'un journalisme militant qui se veut au service de la lutte ouvrière, largement diffusé, un journal sonore des travailleurs de LIP, donc le son, diffusé sous forme de cassette, un disque, Claire Martin, la chanteuse des LIP, des films, non, on va voir, Dominique Dubos, dont le premier, Non au démantèlement, Non au licenciement, est clairement un outil de popularisation qui est diffusé lorsque les LIP partent dans la France entière essayer d'expliquer leur combat. Et à côté des créations proprement estampillées Commission Popularisation LIP, il y a des productions dont le statut est un peu intermédiaire, mais qui toutes vont dans le sens d'une défense de la lutte et du combat des LIP. On peut citer Inventaire à la Prévert, hein, je vous avais parlé du roman de Maurice Clavel, Les paroissiens de Palente, une bande dessinée de Viaz et Piotr, Les hors-la-loi de Palente, une pièce de théâtre, Arthur ou Tamil et Montre de la troupe Z. Bon, je parlerai des pièces de théâtre à l'étranger avec un extrait qu'on voit dans le film de Dominique Dubosc à Eindhoven du groupe Prologue. Les films, bien sûr. Alors, ces films-là, je laisserai ceux qui les ont fait en parler, simplement évoquer aussi un film peut-être moins connu, un film de télévision, Huguette de Bézieux et Pierre Larry, du côté de chez LIP, où même dans ce cas-là, il donne la caméra aux travailleurs de LIP pour qu'ils se filment eux-mêmes. Le film de Chris Marker, dont on a évoqué, puisqu'on vous dit que c'est possible, dont on pourra peut-être à un moment retracer l'histoire. Un film qui se veut le pendant CGT de ce film, LIP Réalité de la lutte, et plusieurs autres, mais on aura certainement le loisir d'essayer de comprendre la circulation, les oppositions, la mise en valeur de certaines figures par les différents intervenants. La question que je voulais poser, c'est pourquoi ? Pourquoi une telle popularité ? Pourquoi un tel écho médiatique ? qui ne se termine pas avec le premier, ni même le second conflit, mais qui est encore, d'une certaine manière, vivace. On pourrait en reparler. On songe à un téléfilm, L'été des Lippes, récent, ou le succès en 2007 du film de Rouault, Les Lippes, l'imagination au pouvoir. Il me semble qu'avec certains facteurs, le côté Robin des Bois, hein, hors la loi de Palande, David contre Goliath, Guignol contre le gendarme, la notoriété de la marque, ce qu'on a déjà dit, le contexte politique général de l'époque, on en a parlé, une partie de la réponse peut être retrouvée dans une phrase prononcée par Piaget lors de cette fameuse assemblée générale du 18 juin, dans laquelle au cours de laquelle est prise la décision de relancer la fabrication. Il n'est pas, dit-il, question de parler d'autogestion ou de dire n'importe quoi. C'est une phrase un peu étonnante, mais qui peut s'interpréter de plusieurs manières. D'abord, elle permet de sauvegarder l'unité CGT-CFDT, la CGT étant très hostile à ce moment-là à l'idée d'autogestion, jugée anarchiste, confuse, dangereuse, gauchisante. Ensuite, et surtout, il est bien clair que, y compris pour la CFDT, il s'agit d'autodéfense, hein, comme ils le disent, autodéfense. L'autogestion n'est pas possible en régime capitaliste, c'est un piège. Ils refusent d'aller dans le sens d'une coopérative de production qui leur est proposée à ce moment-là, en disant de toute manière, nous serons écrasés. L'autogestion suppose la socialisation des moyens de production, le passage dans un régime de type socialiste. Ce que demande l'ELIP, là, c'est un nouveau patron. Le paradoxe, c'est cette demande de trouver un repreneur, un patron. Or, dans tout ou presque dans cette lutte, nous ramène à l'autogestion. La grève productive, c'est-à-dire la production de montres fabrication de montres sous contrôle ouvrier, la prise en main de tous les aspects de la gestion par les salariés seuls, jusqu'au versement de la sécurité sociale, de remboursement de la sécurité sociale lors de la deuxième paye ouvrière, l'autogestion de la lutte, les AG quotidiennes, le comité d'action informel dont on pourra reparler, la dimension communautaire, hein, phalanstère au pays de Fourier de Proudhon, les acteurs moteurs du conflit, CFDT, PSU, qui eux, à l'échelle nationale, défendent l'idéal autogestionnaire. Et si le mot autogestion a envahi le discours politique depuis 68, il est encore peu connu, dans ces années-là, à la base. On ne sait pas bien à quoi ça renvoie, à la Yougoslavie de Tito, à l'Algérie de Ben Bella, à des expériences dont on ne sait pas très très bien ce que ça veut dire, même si en 1968, le mot a pris corps en quelque sorte devenant le réceptacle de d'une grande partie de ces aspirations. Mais le problème, c'est que jusqu'à l'IP, l'autogestion n'a pas d'image. L'autogestion, c'est des constructions théoriques, des textes, des discours, des programmes, même si le PS, le PSU, la CFDT s'en réclament. Le mythe yougoslave est déjà un peu écorné et lointain, donc on est dans le discours pur. Or, l'IP, ce n'est pas un discours, c'est d'une certaine manière une forme d'autogestion en acte. En tout cas, symboliquement, la compétence des ouvriers qui font marcher leur usine est bien supérieure à la compétence des patrons qui les ont mis dans cette situation. L'IP, ça marche sans eux, titre politique hebdo, le tout nouveau quotidien Libération, un rêve devenu réalité. Et le patronat craint, et le gouvernement craignent d'ailleurs, la contagion qui commence déjà à se manifester avec la grève de Cerisay. Pourra éventuellement en dire un mot. Alors, comment comprendre cette ambivalence, cette difficulté à tenir ensemble les deux? La réponse me semble impliquée dans un slogan qui est celui du Congrès national de la CFDT qui se tient quelques jours avant le conflit LIP. Vivre demain dans nos luttes d'aujourd'hui. Vivre demain dans nos luttes d'aujourd'hui, c'est l'idée que, au fond, le conflit lui-même, la lutte, s'il prend certaines formes, prépare le monde de demain. Le conflit autogéré prépare le monde autogéré, le socialisme autogestionnaire de demain. C'est possible. Alors, dans ce bouillonnement symbolique, on a à la fois force du mythe et en même temps la recherche obstinée d'une solution pragmatique, avec des rebondissements. Au mois d'août, on le verra certainement, après la première paye ouvrière illégale, l'évacuation musclée par les gardes mobiles de l'usine. Perte d'un symbole, la lutte continue, l'usine est là où sont les travailleurs, dit Charles Piaget, Rome n'est plus dans Rome, elle est toute où je suis, la véritable, le vrai cœur de la production, ce sont les hommes et pas les murs. La lutte continue, la marche sur Besançon le 29 septembre, et en même temps, l'échec des négociations avec le médiateur nommé par le gouvernement Henri Giraud le 12 octobre, et là déjà une rupture au sein des LIP, une division entre les acteurs qui se solde par un vote largement négatif contre le plan Giraud qui prévoyait un certain nombre de salariés qui ne seraient pas repris. Ce durcissement jugé comme tel provoque la réaction extrêmement dure de Pierre Messmer, Premier ministre. LIP, c'est fini. On voit dans l'un des films, je crois que c'est celui de Chris Marker, ou le vôtre, excusez-moi, le tien, excusez-moi, je suis un peu... j'ai plus exactement les images en tête, mais on voit au lendemain, à la fin de l'automne, distribution de tracts par un certain Vito. Nombre des figures, Vito, Piaget même, Fatima de Mougeot, et ils ne sont pas pris, ces tracts, et on voit que l'atmosphère a déjà changé. Mais parallèlement, des tractations, après les déclarations martiales de Pierre Messmer, des tractations ont lieu, grâce notamment à des responsables du PSU, dont Michel Rocard, auprès d'une fraction jugée progressiste du patronat, Ribou et autres, pour essayer, sur la base du travail fait par un cabinet d'experts liés à la CFDT, une reprise de l'entreprise, une solution industrielle. Et ce plan de sauvetage est finalement voté en Assemblée générale en janvier 1974, les accords de Dole qui permettent la reprise progressive de l'ensemble du personnel. Alors, c'est la fin du premier conflit présenté comme une victoire. Alors, je ne sais pas si j'ai encore 5 minutes pour présenter le second ou est-ce que tu préfères que j'en parle après ? On prend 5 minutes maintenant pour présenter le conflit, qu'on comprenne bien effectivement. Alors, le paradoxe, on a cette reprise, mais cette reprise, François, 15 décembre 1975, LIP, ça va mal à nouveau. Donc janvier 1974, automne 1975, c'est une véritable rechute de LIP. Là aussi, on peut toujours avancer des éléments d'explication. La conjoncture générale, on est passé dans la crise mondiale à partir de l'automne 1973. La baisse des ventes, la grève des ventes et la baisse des ventes, problème de trésorerie, refus des banques de renflouer LIP, conflit aigu entre Neuschwander et le principal actionnaire Ribou, désengagement de l'État et du patronat, de la fraction du patronat qui avait soutenu le sauvetage, hostilité persistante du reste du patronat par rapport à au mauvais exemple LIP, peut effectivement débattre. En tout cas, ce que l'on sait, c'est qu'en février 76, Neuschwander est à son tour débarqué. Avril, dépôt de bilan. Mai 76, liquidation des biens et lettre de licenciement à tous les salariés. Donc on se retrouve dans une situation pire que celle de l'été 1973. Et là, LIP s'est reparti, pour reprendre un titre de journal dans l'un des films, le LIP 5 de Carole Rousseau-Poulos, LIP s'est reparti avec a priori, un rejet des formes du premier conflit, une reprise de ce répertoire. Mise en scène du refus de la fatalité, avec occupation de l'usine, manifestation, journée portes ouvertes, contre-information. Et lorsque les indemnités chômage cessent d'être versées au bout d'un an, vente sauvage du stock de montres, fabrication, le stock a été à nouveau mis à l'abri et reprise des ventes sauvages pour payer les salaires. Donc rien ne semble manquer à cette répétition, ni le soutien des artistes et des intellectuels, le retour de la troupe Z, du théâtre de l'Aquarium, les cinéastes vidéastes, Carole Roussopoulos revient, le collectif, un peu plus tard, le collectif Ciné-Lutte, on va parler de l'association de diffusion populaire, mais avec tout de même quelque chose qui d'emblée frappe, mais à vérifier si c'est au-delà de l'impression, l'idée que le déplacement de l'intérêt, du conflit social vers la question des femmes. Ça, j'aimerais bien effectivement avoir plus de clarté là-dessus. Alors, l'imagination et l'humour sont toujours là, comme la fabrication d'un jeu en bois, le Chômageopoly, hein, par l'Élipe, sauf que dans Chômageopoly, il y a quand même quelque chose d'un peu triste, ne serait-ce que dans le titre, hein, sur le Monopoly. Tentative de proposition industrielle, comme dans le premier cas, réaliste, c'est-à-dire l'idée de mettre les capacités techniques de l'IPS, sa modernité au service de l'ensemble de l'industrie horlogère, une solution présentée au patronat local qui le refuse. Imagination dans la conduite des luttes, création de comités de chômeurs, tentative de coordonner toutes les entreprises en lutte dans une situation comparable à celle de lutte contre le chômage. Mais l'élan positif, encore une fois, ne semble pas au rendez-vous. On n'est plus à la fête de l'été 76, ni dans l'émerveillement d'avoir osé, pardon, 73, ni dans l'émerveillement d'avoir osé. Les portes se ferment les unes après les autres, la proposition industrielle est écartée, la justice est intransigeante, les forces de l'ordre pénètrent violemment, plutôt que d'ouvrir les portes largement pour la protéger, on installe des barricades de béton, les organisations syndicales, les confédérations CGT et CFDT sont extrêmement réticentes, voire hostiles à ce qu'ils considèrent comme un mouvement perdu d'avance, et finalement le découragement gagne assez tôt une partie des LIP, et à l'automne 1977, face à ce qu'ils considèrent comme un rapport de force voué à l'échec, ils lancent l'idée, qui est acceptée par une partie des travailleurs, de, je cite, « construire soi-même ses emplois ». C'est-à-dire que le dos au mur, ils acceptent la solution, entre guillemets, autogestionnaire, de lancer des coopératives de production, pas seulement de montres et de mécanique, mais aussi de ce qui a été fait pendant le conflit, le restaurant, des objets en bois, des fabrications en tissu, une société d'études, une imprimerie, une société de loisirs, etc. Mais pour pouvoir lancer ou plutôt légaliser ces coopératives, eh bien, il faut passer sous les fourches caudines du gouvernement qui leur donne, qui impose l'évacuation du site de Palante, et de toute manière, très peu de personnes seront embauchées dans ce coopératif pour qu'elle soit viable. D'où la difficulté. Certains nombres de salariés sont embauchés par la mairie de Besançon, comme Monique Piton, par exemple, dont on parlait, mis en pré-retraite, orientés vers une formation ou directement vers l'ANPE. C'est certainement l'épisode le plus douloureux de l'histoire des LIP, celui de l'éclatement de la communauté, l'autogestion des licenciements, en quelque sorte. Et même pour ceux qui participent à cette dernière phase du conflit, les difficultés et l'amertume sont là, avec la difficulté d'entrer dans un fonctionnement qui est dans le cadre d'une concurrence d'un marché de l'économie capitaliste. Et la majorité de ces SCOB déposent leur bilan dans les années 80 et 90. Je terminerai simplement là-dessus. Cette souffrance de la dernière séquence ouverte en 1976 vient heurter de front l'image héroïque et enthousiasmante du premier conflit, celle du communauté unie. Et qui a fait rêver une partie de l'opinion française et mondiale en 1976. Et ça se termine par, au fond, une opposition qui a été étudiée par une chercheuse, Joëlle Beurrier, opposition de deux mémoires, entre une mémoire interne, une mémoire qu'elle a étudiée dans les années 90, marquée plutôt par la souffrance, par d'autres choses, une fierté, mais aussi beaucoup une souffrance, et l'image ou une image extérieure qui est, elle, mobilisatrice et qui héroïse le premier combat et occulte en partie le second combat. D'une certaine manière, deux films en 2007 symbolisent bien, je crois, cette dualité, celui de Christian Rouault, L'élite, l'imagination au pouvoir, qui se termine par Le second conflit est une autre histoire, et puis Thomas Favergeon, donc l'un des fils de salariés de l'IP dont la mère a été licenciée dans la... Fils de l'IP, voilà, ici. Qui est centré sur le second conflit et où cette recherche, compréhension de ce qui s'est passé, pourquoi ses parents ne parlent pas, qu'est-ce qu'il y a là derrière, est marquée par la souffrance. Voilà. Merci énormément, Franck, pour cette contextualisation extrêmement claire et dont nous avions effectivement le plus grand besoin pour comprendre maintenant ce que nous allons évoquer avec nos invités, donc à savoir, au sein d'une sorte de table ronde, la manière dont la caméra a été intégrée aux luttes, dans ce cas concret, des conflits LIP, mais avec cette spécificité des deux conflits que maintenant vous avez évidemment bien en tête pour les personnes qui ignoraient ce contexte. Et finalement, pourquoi les images, dans quel but, avec quelle fonction ces images ont-elles été utilisées? Et l'enjeu maintenant de cette table ronde, ça va être aussi d'interroger et de mettre en perspective donc les pratiques vidéo et argentiques.